Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Le moment est arrivé. Il est arrivé. C'est l'heure de mettre les palmarès C'est fou sur pause. Juste comme ça, là, pour construire un certain suspense, mettons, là, qui mènerait vers... Mystère. Mènerait vers quoi, tu penses? Ça? Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 21 février 2011. Qui va jouer, genre, dans le moment, là, assemblage requis jusqu'à 9h au 89.1 FM, hein? Où ça? Au 80? Non, juste 89.1 FM, oh, c'est fou. C'est fou. C'est fou. OK, oui, ça me dit quoi? It's crazy that. It's crazy. Crazy Matt. Oh! crazy. Oui, ben, c'est un de nos groupes fétiches, je pourrais dire. Fétichiste. Pourrions dire. Oui, fétichiste, des collinants, fétichiste de pied. Et non, parlons pas de ça, toi, là. Ah! T'aimes ça, des fétiches? Hein? J'adore. Quels sont les tiens? Si on se gardait un petit joint ce matin. D'accord. C'est excellent, ça. On aime ça dire ça. Rural Alberta Vintage. Ça se dit mal. Ça se dit très, très mal pour tout le monde, je pense. Ouais. Même les anglophones, je pense. C'est trop d'air. Hein, Nicolas? Nick, do charm? Dude love. Définitivement. Dude love. C'est rare pour une émission de gars que ça ricane. C'est une émission de filles assez fou. Ben ouais, c'est ça. Donne-moi pas de nom. Non, c'est ça. On les aime bien. Ben oui. Qu'est-ce qu'on ferait ça à eux autres? C'est ça. Oui. Très, wow. Très bon. Wow! Hein? Agressant le matin, ça? Ben, c'est pas super. Pas super. Tu t'éloignais, fait que... Une chance, hein? Hey. C'est toujours mieux quand je m'éloigne du micro. I live on the edge. Je vis ma vie au maximum. Je vis ma vinaigrette, comme ils disent. C'est la première fois que j'entends ça. Non, pour vrai. Oh, ouais, je pense que c'est une chanson. Je vis ma vinaigrette. Mais je sais pas c'est quoi l'air, fait que là, je la chante comme ça, puis c'est pas ça. Pour moi, le café, c'est sûr, définitivement, je mets une croix là-dessus. Ça, ça me donne... Ça pousse. Oh, c'est plus dans les... Dans la tuyauterie. Mais petit doigt. Tu me donnes bien. Comme en 93, c'était la fin des molettes. Il n'y a plus vraiment de molettes rendues là. C'était coupe longueur, c'était fini, ça. Business on the front, party on the back. C'est pas mal ça. C'est cœur. C'est la fête en arrière de la tête. Ouais. Hein? Ouais. Fête en arrière de la tête. Sauf qu'elle veut se mettre de la partie, là. Uh-huh. Et t'as pas le droit d'être un joueur de plus. Hey, on parle pour rien dire. Je crois que tu as peut-être raison. Peut-être. Ça serait comme spécial, quand même. Il va falloir nous écouter pour le savoir. Oui, et pour savoir si François a raison une autre fois dans l'émission, pour le reste de la session. Ah, tu le prends mal. C'est une blague. Oh. C'est nous, cet assemblage requis. C'est François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui. C'est l'assemblage requis. Ben, dis de même, c'est beaucoup plus compréhensible. Moi, je trouve. Et c'est là-dessus que se termine l'assemblage requis pour ce mercredi. Non! C'est vrai, François, Colin. Arrête de me faire ça toujours à la même heure à chaque jour. Je m'excuse d'être porteur de mauvaises nouvelles. Oh. Bonjour Mathieu Plante, / nouveau look. Ah, nouveau look, tant que ça. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Qu'est-ce que tu remarques? C'est vos vêtements. Non, tes lunettes. Ah, mes lunettes, ben oui. Ben oui. On peut pas passer à côté. Non. Ben, venez les voir, hein, studio à côté de la chasse-galerie. Ou appelez-nous, on va vous envoyer des photos. Oui, ou peut-être que Facebook, invention de 2011, là, pourrait nous favoriser là-dessus. Hein. C'est peut-être plus simple pour tout le monde. Peut-être. Mais poste une photo. Manifeste de Legault. Qu'on va décortiquer telle une crevette non décortiquée. Parce que là, des décortiquées, il y en a aussi, il y en a en conserve, je pense aussi, il y en a en purée, qu'elle peut comme tartiner sur ton poing. Ah. C'est bon, ça! Donc, François Landry vient d'atterrir en studio via ses. Un vol nolisé en direct de Libye. Voilà. J'ai pu m'échapper. Libye, qui. Moi, Libye, c'était juste. Je pense c'est la méchante dans Sabrina dans le temps. Libye. Sabrina. Sabrina, la grande sorcière, évidemment. OK. Libye. Ouais. Ouais, ça se peut. C'est la seule chose que ça me rappelle. Tu vois, mes petit malaise géopolitique ici. C'est à peu près ça. Tu te rappelles Flight of the Conchords, c'est la chanson là, que tu aimes tant, Too Many Dicks on the Dance Floor. Celui que j'écoute à chaque fois. Oui, préparé pour le F1 à soir. Ah, plus, c'est à soir, ça. Ben oui. Beaucoup trop de. Oh. Ça, c'était mon bip de censure. C'est ce qui va arriver. C'était pas le mot pipi, quand même. C'était juste un bip de. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ici, dans les panneurs assez fous, hein? C'était très drôle, comme d'habitude. Ben oui, meilleur moment là-dedans. Les gens qui viennent cogner ici pour voir tes lunettes. Ah, ben oui, j'allais le dire. Il y en avait, là, ça faisait la file autant que devant les toilettes lors du F1, sûrement, ce soir. Ça sera pas beau, ça. Puis c'est encore la censure, là, c'était pas le bon. Moi, je serai pas là. Moi, je vais être en train de baver devant le spectacle d'Alex Nevsky parce que ça va être trop bon. Ah, c'est vrai, ça me rappelle les mullettes, la fête en arrière de la tête, là, c'est un peu Alex Nevsky. Ça, si tu regardes la pochette, il y a un petit peu un pan, hein? C'est pas grave, ça y fait bien, c'est son style. Ben oui. J'aime bien ça. Jesse dans Full House en 1987, il y avait une moulette lui aussi, mais c'était en 87 par exemple. J'aime les années 80, je te l'avais déjà dit. Ben oui. Tout le monde sait ça, c'est connu. Voilà pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Soyez à l'écoute du lundi au jeudi entre 7h à 9h. Entre 7h à 9h, oui. Entre 7h et 9h, ou encore de 7h à 9h, là, c'est selon. Vous faites un mix and match, un peu comme une paire de bottes. Hey, c'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, en partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais. Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy, crazy, crazy!